besoin d'un revolver pour tirer une balle. Ma révolte est terre à terre, je suis un malade. Mes skills kill plus qu'un amiral. Je suis plus fou que Kenobi, je suis un animal. Ça vire le mal, la fuck. L'empire s'étale, watch capote. Comme un lion dans un orage de rage, enfermé comme dans une cage. Je cache d'abord, fuck l'image. Je pars, me monte à bord, c'est pas un mirage. Tu veux boss, ok, d'accord, je t'attends dans le virage. Je me débarrasse de ta carcasse, ton âme dérive vers le rivage. Tu connais le business, tu connais les billets. Tu connais loveless, tu connais les filles. L'impress m'intéresse, le reste est reste. Je veux même pas test. Le best, c'est la sensation, le stress. Une complication, j'express, progresse, agresse les jets, puis j'aime flex, en préflex, en ça va mal, faut combattre la pression sur l'instrumental, faut faire sortir la compression, s'il y a trop de pédales, c'est pas juste une impression, j't'ai carré du commercial, j'vais en faire une dépression. Pas me prendre pour un dealer, juste un petit dealer. Un rappeur qui a pas peur, c'est de vigueur à la rigueur. Un penseur qui disse encore lisse. Faut que la police, à quoi sert la justice? Politique égale préjudice. Qui te casse les dents au bout du précipice? Moi je te shake comme une fucking canette de brise pleine. La rue pour toi est un problème, mais sert juste tu promènes ta chienne. Quand j'y suis, je m'éloigne du chat des sirènes. J'ai trop que me soumettre au système, vaut pas vraiment la peine. J'amène toujours la dévane, on dirait que c'est dans mes veines. Ou peut-être j'attire les troubles, c'est peut-être les troubles qui m'attirent. Je pensais que j'avais toujours la main. Double. Les chicks, la drogue, le cash me tire dans l'inconscient comme si c'était good. Mes problèmes pourraient m'amener à fuir. Sont prêts commencer à me remplir le nid de poule. Mais la sentence est trop lourde, s'impose à la vitesse de la foule. Nous on serre les coudes, continuer nos complots dans le dos de la popo. Mon seul supplice c'est que j'aime le vice. Je me rends compte de mes troupes que la justice serre la vis. Comme je fais certains négros, les pots de banane ça glisse quand tu pisses de suffice. Pas besoin de for real, que for real ça suffit. Mon seul complice dans cette lutte c'est le cannabis. Puis ma people qui rap. Représente le fleur de lys, puis en calice. Ça va mal, faut combattre la pression sur l'instrumental, faut faire sortir la compression. S'il y a trop de pédales, c'est pas juste une impression. J't'ai carré du commercial, j'vais en faire une dépression. Yo, c'est douanier dans son secteur de position. Roulez si on est prêt. Comme un radeau près d'une chute qui t'enguerre, mon shadow te radait. C'est cure comme un modèle, obscur c'est sûr, je le connais. Pas de demi-mesure, tu pensais que je déconnais. Mais je fumais le plus clair de mon temps, parce que je comprenais la vie. Si t'as pas d'envie, tant que tu réalises. Si t'as pas rien, moi je pense t'idéalise. Si soit ton date, toi l'idéalise, t'as pas le droit de la freeze. Continue ton chemin droit ou en zigzag, tu vois que ça éprise. Une date est émise pour l'apocalypse d'après l'église. Mais si on continue dans ce sens-là, c'est dans pas long que ça arrive. La dérive vers une autre rive, le prive de bien vivre sans être rive.